première fois que je t'ai vu. Tu étais là devant moi avec tes formes ambiguës qui me laissent sans voix. La première fois que tu m'as touché, je me suis envolé. J'ai plongé.